Il est midi 55 minutes. Bienvenue à cette édition de la mi-journée de ce samedi. Voici d'abord les titres. Hausse du prix de la viande de poule en mairie de Bujumbura. Le prix a augmenté de 2 000 à 7 000 francs. C'est après la forte demande observée après l'apparition de la fièvre de la varée du rift qui attaque les bovins. Et dans la rubrique de sécurité, 3 personnes ont été blessées par des hommes de machette dans la nuit de ce samedi à dimanche sur la colline Kadjondi de la commune Lutovo en province Bururi. Selon la police, c'était des voleurs non encore identifiés jusqu'ici. Et il est prévu ce dimanche le championnat national de rallye en mairie de Bujumbura. Innocent Bonimana sur la mise en onde et à la présentation, vous êtes avec Ornella Mucho. La radio de l'avenir. Page commerce pour débuter cette édition. Le prix du poulet a augmenté de 2 000 à 7 000 francs burundais à mairie de Bujumbura. Certains vendeurs et acheteurs qui se sont entretenus avec nos confrères au marché de Kotebu évoquent plusieurs raisons, notamment la forte demande enregistrée après l'apparition de la fièvre de la varée du rift. Le point avec Jean de Dieu et la Côte. C'est à la place réservée à la vente des poulets au marché d'Ikotebu à mairie de Bujumbura. Les marchands, comme les acheteurs rencontrés à ce marché, indiquent que leur prix a monté de 2 000 francs burundais à 7 000 francs burundais. Selon ce commerçant, la forte demande survenue après l'apparition de la fièvre de la vallée du Rift figure parmi les causes de cette hausse. Le prix a augmenté entre 1 000 et 2 000 sur le prix de vente. À l'intérieur du pays où on fait notre approvisionnement, les habitants doivent consommer ces poules, faute de manque de la viande, de vaches et chèvres, ce qui a baissé leur quantité ici au marché. On pouvait se procurer entre 40 et 50 poules, même maintenant, on ne peut pas dépasser entre 20 et 30 poules par jour. Le lien existe suite à l'interdiction de l'abattage des vaches. Les gens se rabattent à la consommation de la viande et des poules, porcs et des lapins. Cet éleveur, également rencontré à ce marché, explique que cette hausse est conséquente, entre autres, de la cherté de leurs aliments. Normalement, l'élevage des poules n'est pas facile, raison pour laquelle les poules sont chères. Il y a des maladies qui les attrapent sérieusement, ce qui fait que parmi 100 poussins élevés, seuls 20 grandissent. L'autre défi est lié aux aliments de ces poules devenus trop chers. Un kilogramme de ces aliments, qui s'achetaient entre 800 et 1000 francs, se vend aujourd'hui entre 1600 et 1800. Actuellement, un coq qui se vend à 25 ou 27 000 francs se vendait à 20 000. Ces commerçants, comme ces acheteurs, expliquent que la difficulté de leur transport due à la pénurie du carburant figure, entre autres, parmi les causes de cette hausse des prix des poules. Merci Jean de Dieu. Il a codé page de sécurité. À présent, 3 personnes ont été blessées par des hommes armés de machettes à 2h du matin de ce samedi à dimanche sur la colline Kadjondi de la commune Lutovu, c'est en province Bururi. Les sources policières indiquent que c'était des voleurs non encore identifiés qui tentaient de voler dans un ménage de cette colline. Colonel de police Manila Gaba Dieudonné, commissaire provincial de la police Bururi à Bururi, salue l'intervention des voisins des victimes et de la police qui a été rapide et demande à la population de dénoncer ces malfaiteurs pour qu'ils soient plutôt traduits en justice, dénonce Nzambimana. C'est un ménage dans certain Pascal Nyonghuru sur la colline Kajondi de la commune Rutovu, province de Bururi, qui a été attaqué par les hommes armés de machettes et de gourdins. C'était la nuit de ce vendredi à samedi, aux environs de 2 heures, selon les sources sur place. Ces personnes non encore identifiées ont d'abord défoncé la porte et se sont introduites à l'intérieur de la maison, blessant ainsi le chef de ménage, sa femme et un des voisins qui ont pu intervenir, alertés par les victimes, selon les sources policières. Les mêmes sources disent que les policiers œuvrant à l'antenne Kajondi sont arrivés sur les lieux, mais ces malfaiteurs avaient déjà pris le large. Les enquêtes déjà menées par la police montrent que c'était des voleurs non encore identifiés qui tentaient de voler dans son ménage, selon le commissaire provincial de la police à Bururi. Colonel de police Imane Gabadiedone salue l'intervention de la population et de la police qui a été rapide. Il demande à la population de dénoncer ces malfaiteurs pour qu'ils soient traduits en justice et punis conformément à la loi. Depuis Bururi, Zenon Zabimana pour la radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Actualité sportive à présent, les clubs Boumamoulou FC et Flambeau du Centre croisent le fer en finale de la Coupe du Président édition 2022 ce samedi 11 juin 2022 au stade de Buganda de la province Chibitoke à 15h. Ce sont les mêmes équipes qui représenteront le Burundi dans les compétitions africaines. Dans la prochaine saison, le match sera commenté en direct sur les ondes de la radio Isanganiro à cette même heure. Et 26 athlètes vont s'affronter dans le championnat national de rallye qui aura lieu ce dimanche en mairie de Bujumbura après cinq ans que la ville de Bujumbura n'abrite pas une telle compétition. Adoné Gamillé, directeur des courses au sein de la Fédération burundaise des clubs automobiles, appelle les gens qui viendront assister de se positionner dans les places réservées pour eux dans le but d'éviter les accidents. Suivez-le au micro de Jean-Marie Vianney Ngendakoumana. Le Buja Rally Top Chrono 2022 est un rallye qui comporte une nouveauté dans le championnat des rallyes du Burundi 2022. Ce rallye a été préparé d'une façon où deux voitures de rallye vont commencer en même temps. L'une empruntera le circuit qui mène vers l'avenue de l'université et l'autre voiture empruntera le circuit qui mène vers le chaussée Prince Louis Guagasole. C'est-à-dire que ce rallye va se dérouler sur les deux axes du boulevard de l'Indépendance et par après, les voitures ou les concurrents seront classés selon le temps chronométré ou leur meilleur temps chronométré sur les deux circuits. Et quel sera le sort des athlètes qui seront classés plénières? Les meilleurs de ce Buja Rally Top Chrono se verront attribuer des trophées qui ont été préparés par le club automobile du Burundi. Mais aussi, en plus de ces trophées, ils auront droit à des cadeaux ou des prix qui ont été octroyés par nos différents partenaires. J'en profite pour remercier vivement les partenaires qui nous accompagnent chaque fois lors de nos rallyes ou bien lors de notre championnat des rallyes ici au Burundi. Et quel rappel lancer aux amateurs qui viendront assister à cette compétition? On aimerait inviter tous les amoureux du sport automobile à se rendre demain au boulevard de l'Indépendance pour assister à un spectacle qu'on leur a préparé, que les pilotes leur ont préparé. Et on leur promet qu'on ne va pas les décevoir. Le rallye va bien se dérouler. J'en profite aussi pour leur demander de suivre les consignes qui seront mises en place par les organisateurs. Ce rallye doit être un exemple de sécurité routière ici au pays, ici au Burundi, mais aussi dans la sous-région. Comme on le dit souvent, un bon rallye, c'est un rallye sans accident et on encourage les gens à respecter les consignes qu'on aura mises en place. On leur promet un beau spectacle. Actualité internationale. Actualité internationale, avant de mettre fin à cette édition en Tunisie, le projet de nouvelle constitution inquiète les associations de défense des droits des femmes Une centaine de militantes issues de la société civile et des partis politiques ont manifesté vendredi à Tunis à l'appel à l'association tunisienne des femmes démocrates, des femmes qui estiment qu'elles ont leur mot à dire dans l'élaboration de la nouvelle constitution sur laquelle le président de la République travaille avec plusieurs personnalités. Le texte, selon le site internet de RFI, le texte sera soumis à référendum fin juillet. Et en Inde, la police a tué hier vendredi 2 personnes et arrêté plus de 130 autres lors de la manifestation organisée par des musulmans pour protester contre des propos jugés insultants sur le prophète Mahomet. Une porte-parole du parti du Premier ministre avait critiqué la relation entre le prophète et sa plus jeune épouse Aïcha lors d'un débat télévisé. Après la prière du vendredi, des musulmans sont descendus en masse dans les rues de l'Inde et des pays voisins pour condamner ces propos. Et la police a ouvert le feu sur la foule dans la ville de Ranchi, dans l'est du pays. Et c'est pas ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Dans quelques secondes, vous aurez droit à la revue de la presse. Revue de la presse. Bonjour, bonsoir, selon votre zone d'écoute. Domaine des sciences et technologies, un module de formation continue des enseignants de 4e cycle du fondamental a été validé mardi 7 juin 2022, rapporte la voix de l'enseignant. Selon le directeur général des curricula et des innovations pédagogiques, André Nduimana, s'exprimant dans les colonnes de ce journal, lorsque l'on considère le contenu de ce domaine, il est difficile de maîtriser les disciplines de biologie, de chimie, de physique et de technologie de l'information et de la communication. Les enseignants affectés dans ce cycle ont des niveaux différents, du D7 à l'ingénieurat, en passant par la licence. André Nduimana précise en plus qu'il y a des enseignants qui sont totalement non qualifiés. Suivant cette disparité de formation, poursuit-il, ils ne peuvent ni comprendre ni maîtriser le contenu du domaine des sciences et technologies de la même façon. Ainsi pour lui, à défaut de qualifier tout le monde, le ministère a conçu un module de formation qui pourrait constituer une base de renforcement des capacités des enseignants. Le journal Burundi Echo écrit sur le projet d'éclairage du jardin public de Bujumbura qui a été inauguré vendredi 3 juin 2022 par l'OPNUD, la mairie de Bujumbura et l'association Action Ceinture Verte pour l'Environnement, ACVE. Il précise que sous le financement du PNUD, 54 panneaux solaires ont été installés sur le pourtour de ce jardin et que les activités sportives qui se clôturaient à 18h vont continuer jusqu'au-delà de 20h grâce à cet éclairage, au grand plaisir des parties prenantes. Le président de la CVE déclare dans les colonnes de son confrère que beaucoup de choses restent à faire pour améliorer les conditions d'accueil, notamment la construction des vestiaires, l'aménagement et l'équipement d'un parc de jeux pour les enfants, l'acquisition et l'installation des bancs solides le long de la piste. Une indemnisation jugée très dérisoire, titre le journal. Les cultivateurs du palmier à huile jugent trop dérisoire le tarif d'indemnisation alloué à un pied de palmier fixé à 68 080 francs bout et demandent que ce tarif soit revu à la hausse. Les propriétaires des plantations du palmier à huile indiquent que ce montant fixé est trop dérisoire compte tenu de la valeur actuelle du palmier à huile. Emmanuel Sinzo Hagera, le président du Sénat du Burundi en visite en province de Lumonge, a indiqué qu'il a reçu beaucoup de lamentations de la part des cultivateurs du palmier à huile par rapport aux tarifs fixés par pied de régime de palme. Il a indiqué qu'il s'est entretenu avec le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage de faire une mission de travail à Lumonge pour rencontrer les représentants des cultivateurs du palmier à huile pour échanger sur cette tarification. Revue de la presse. La population se réjouit de trouver du poisson après l'interdiction de l'abattage des bovins titre l'agence burundaise de presse. En effet, explique cette agence, depuis 2 semaines que l'abattage des bovins, des ovins et des caprins est interdit en province de Cibitoke par la mesure du gouverneur liée à l'apparition de la fièvre de la vallée du Rift qui ne cesse d'y gagner du terrain, le manque de la viande devient une question épineuse chez les amateurs. C'est ainsi que le mercredi 8 juin, un ouf de soulagement s'est manifesté chez les consommateurs de viande du chef-lieu de la province Cibitoke qui sont parvenus à s'approvisionner à la chaîne en poisson de type tilapia. Il s'agissait de la vente de la production d'un étang piscicole de l'association Jeunes pour Christ, Sizakarurama en commune Rugombo, à 8000 francs burundais, poursuit son confrère. Deux langages autour du rapatriement volontaire des réfugiés burundais de Nyarugusu, constate le journal Net Press, qui explique dans sa dépêche du 8 juin 2022 que le Burundi a délégué un envoyé spécial dans les camps de réfugiés en Tanzanie. Il s'agit du consul burundais dans la région de Kigoma, en la personne de Jérémy Kekenwa, et l'envoyé du ministère tanzanien des Affaires intérieures pour tenter de convaincre les réfugiés burundais de rentrer. Selon son confrère, Gitega semble flexible face aux doléances des réfugiés au moment où le représentant de Dar es Salaam durcit le ton et parle d'un rapatriement forcé si rien n'est fait. Et le directeur national en charge des réfugiés en Tanzanie, Soudi Mwakibasi, n'y va pas par 4 chemins et a intimé l'ordre à ses réfugiés de rentrer car selon lui, le Burundi a recouvré la paix et la tranquillité. Fin de cette revue hebdomadaire de la presse, elle vous a été présentée par Armel Mutore et Francine Ndiokugayo. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.